Chapitre 12e. Lady Ongar devient châtelaine. Il n'y a peut-être pas en Angleterre une résidence mieux aménagée que ne l'est Ongar Park. Et à coup sûr, il n'y en a pas de mieux entretenu que l'était cette maison quand la jeune veuve en prit possession. Le parc n'était pas très grand, ne contenant que 30 ou 35 hectares. Mais dans son enceinte se trouvait une jolie ferme qui devenait aussi pour toujours la propriété de Lady Ongar, et qui faisait paraître le parc plus étendu qu'il n'était en réalité. La maison, pour une demeure de grand seigneur, était un peu petite, mais elle était du reste assez grande pour suffire aux besoins d'une famille riche. La salle à manger, la bibliothèque, les salons, toutes les pièces étaient spacieuses et bien disposées. Le vestibule était élégant et vaste, et les chambres à coucher étaient assez nombreuses pour loger une caravane. Mais le principal ornement de Ongar Park était la magnifique pelouse qui entourait la maison et descendait en pente douce de la terrasse, au-dessous des fenêtres, jusqu'au bord d'une rivière rapide que masquaient à demi les arbrisseaux plantés sur ses bords. Dans l'enceinte du parc, on avait multiplié les bosquets et les allées. L'entretien de ces beaux lieux coûtait fort cher, mais c'était le seul inconvénient qu'offrit cette délicieuse résidence. Du reste, Lady Ongar, avec ses gros revenus et libre de toute charge, pouvait facilement subvenir à ses dépenses. Tout dans cette demeure et autour d'elle lui appartenait désormais. Elle pourrait y vivre heureuse et braver l'opinion du monde, si toutefois elle parvenait à goûter les joies qu'offre la campagne. À peine arrivé en Angleterre, son homme de loi lui avait fait pressentir qu'on disputerait ses droits et qu'on tâcherait de lui ravir cette résidence. Les parents de Lord Ongar, lui avait-il dit, tenteraient de lui arracher une renonciation à Ongar Park, en lui accordant aussitôt le montant des revenus qui lui étaient dus. Mais elle avait déclaré qu'elle n'y renoncerait pas. Elle voulait avoir et la résidence et les revenus, et elle avait fait prévaloir ses droits. « Pourquoi donc céderais-je ce qui m'appartient ? » avait-il dit à son avoué en le regardant en face. Celui-ci n'avait pas osé lui répondre que les héritiers de Lord Ongar comptaient sur son désir d'éviter un éclat. Mais elle l'avait aisément deviné. « Je n'ai rien à craindre d'eux, » continua-t-elle, « et je prétends avoir tout ce qui m'est dû en vertu du contrat de mariage. » Son droit était manifeste, et 3 mois après son retour en Angleterre, on lui avait abandonné Ongar Park. Elle s'y rendit aussitôt, et elle s'y trouvait toute seule pendant que sa sœur communiquait à Harry Clavering son projet relatif au capitaine Archibald. C'était la première fois qu'elle voyait cette résidence. Elle n'avait non plus jamais vu et avait peu de chance de voir la principale habitation de Lord Ongar, le château de Corton. Aussitôt après son mariage, elle l'avait suivi sur le continent et maintenant elle revenait veuve, prendre possession de la maison de son mari. Tout était à elle désormais. Le riche mobilier des appartements, les livres de la bibliothèque, les pendules dorées, les immenses glaces des salons, toutes les richesses du jardin et des serres, le blé entassé dans les greniers, les meules de foin qui entouraient la ferme, les chevaux des écuries et les troupeaux de vaches qui mugissaient dans les champs. Elle avait exécuté les clauses du contrat et maintenant elle en recevait le prix. En arrivant, elle ne savait pas l'étendue de ses richesses et à vrai dire, elle n'avait pas le courage de faire aucune question à cet égard. Elle vit d'abord les vaches et les chevaux, puis on lui parla des bœufs et des moutons, de la volaille, de la porcherie, des veaux et du colombier. C'était un monde nouveau qui s'ouvrait devant ses yeux, plein de charme et d'intérêt. Elle regardait tout cela d'un œil étonné et se rappelait que c'était là le prix de son sacrifice. Après tout, elle avait été favorisée du sort. Elle avait traversé, il est vrai, de rudes épreuves, souffert de mortelles douleurs, mais tout cela avait passé rapidement et maintenant elle recevait son salaire. Une voiture fermée était venue la prendre à la gare du chemin de fer et l'avait emmenée avec sa femme de chambre au château. Elle s'était arrangée de façon à arriver à la gare à la nuit, et malgré cette précaution, elle avait remarqué que bien des regards s'étaient dirigés sur elle au moment où elle descendait du wagon la face couverte d'un voile épais. Elle était seule, et il n'y aura personne dans la maison à qui elle put parler. Mais la pensée que la voiture qui l'emmenait était à elle la consolait peut-être un peu. La femme de charge qu'il a reçue était une grosse personne, déjà âgée mais d'une santé florissante. Lady Ongar commençait à croire qu'elle pourrait causer avec elle un peu plus longuement qu'avec une domestique ordinaire. mais tout d'un coup elle crut s'apercevoir que cette femme était froide à son égard, et prenant avec elle un air grave et solennel. « J'espère que vous me ferez un bon feu, Mrs. Button, » lui dit-elle. « Oui, milady. » »« Je voudrais bien avoir un peu de thé. » »« Il ne me faudra rien autre chose ce soir. »« Fort bien, milady. » Mrs. Button, conservant tout le temps ce ton solennel, ne prononça pas un mot de plus, et cependant, elle avait l'air d'une femme qui n'eût pas craint un petit brin de causerie si Lady Ongar lui avait convenu. Peut-être répugnait-il à Mrs. Button de servir une maîtresse sur le compte de qui avait couru de si étranges rumeurs. Lady Ongar, faisant cette réflexion, prit instinctivement un air de réserve un peu hautaine et renvoya la femme de charge. Le lendemain matin, après avoir déjeuné de bonne heure, Lady Ongar sortit. Elle avait résolu de se mettre à l'heure, de faire connaissance avec la ferme tout entière, de voir les ouvriers, de soulager les pauvres, d'établir une école et, par-dessus tout, d'user de tous les droits et privilèges attachés à sa position. Elle se félicitait de ce qu'une partie de sa fortune consistait en terres et en troupeaux. Elle porterait à tout cela un intérêt que l'argent seul n'eût pu lui inspirer. C'est pourquoi elle s'était levée de bonne heure, afin de pouvoir donner un coup d'œil à tout ce qui lui appartenait. Puis elle se dit qu'il ne fallait pas vider cette coupe enchantée tout à la fois, et qu'elle ferait bien de ménager ce riche banquet servi devant elle. Elle avait plus d'un chagrin à dévorer, plus d'une douleur à oublier, peut-être devant elle une longue période de tristesse et d'isolement. Elle ferait donc bien de ne pas épuiser tout d'un coup ses ressources. Elle regardait autour d'elle tout en marchant, mais presque elle a dérobé, de peur qu'un jardinier, épiant sa démarche, ne devinât ses pensées et ne put dire que Milady s'enorgueillissait de ses nouvelles possessions. Il lui semblait que tous ces objets nouveaux pour elle allaient devenir la source d'un intarissable intérêt. Chaque arbre et chaque sentier, chaque arbuste allait bientôt être pour elle un ami familier. Elle ne s'éloigna pas de la maison et ne descendit même pas jusqu'à la rivière. Il ne fallait pas tout voir à la fois. Mais elle s'égara dans les sentiers et prit plaisir à se perdre au milieu des bosquets. Tout cela était à elle, c'était le prix de ses douleurs passées, prix payé comptant en bonne et solide valeur. Tout en déjeunant seule, elle se disait que cela devait lui suffire et qu'elle avait lieu d'être contente. Elle avait conclu son marché en toute connaissance de cause. À quoi bon demander ce qui n'avait pas été stipulé dans le contrat? Elle était seule, il est vrai, et le monde lui tournait le dos. Les parents de son mari seraient naturellement ses ennemis. Elle ne les avait jamais vus, et il était naturel qu'ils eussent d'elle une mauvaise opinion. Un abîme presque aussi grand la séparait de ses propres parents. Du côté des Brabazon, elle n'avait que des cousins du troisième et du quatrième degré, dont elle ne s'était jamais occupée, et de qui elle ne devait rien attendre. Ses amis auraient dû être les mêmes que ceux de sa sœur, et dans les rangs de la société qu'elle avait connue lorsqu'elle faisait partie de la famille de Sir Hughes. Mais un autre abîme la séparait de son beau-frère et de sa sœur, comme de la famille de Lord Ongar. Sir Hughes avait permis à sa femme de l'inviter à Clavering, mais elle dédaignait d'accepter cette invitation après la manière dont son beau-frère l'avait traitée à son retour. C'était lui qui lui avait valu le froid accueil qu'elle avait reçu de la société en Angleterre. S'il l'avait accueillie comme un frère, tout se serait bien passé. Il était trop tard maintenant pour réparer le tort que Hughes Clavering lui avait fait, et il apprendrait que Lady Ongar ne voulait pas s'humilier devant lui. Elle tâchait de repasser dans son esprit l'étendue de ses nouvelles richesses, tout en continuant son déjeuner solitaire, mais involontairement son esprit se reportait sur les griefs et les tristesses du passé. Fallait-il voir son intendant ce jour-là? Telle fut la question qu'elle s'adressa ensuite. Elle décida que non. Les choses continueraient d'aller comme par le passé. Il fallait éviter de montrer aucun orgueil en prenant possession de son domaine. Et puis il y avait un temps pour tout. Elle envoya chercher Mrs. Button et la pria de l'accompagner dans toutes les pièces de la maison. Mrs. Button arriva, mais refusa de se prêter aux avances gracieuses de Milady. Elle était prête à ouvrir toutes les chambres, tous les cabinets, toutes les armoires, prête à donner le détail de tout le mobilier, si Milady voulait l'écouter. Mais tout ce qu'elle dit fut prononcé d'une voix grave, d'un ton exempt de toute familiarité. Dans le cours de ses explications, il ne lui arriva qu'une fois de trahir son émotion. « Cette chambre, dit-elle, était celle de la mère de Milor, celle qu'elle occupa après la mort du père de Lord Ongar. Que Dieu la bénisse !» À ces mots, Lady Ongar se mit à songer qu'elle n'avait jamais entendu un seul mot sur le père ou la mère de son mari. Elle aurait voulu pouvoir s'asseoir avec cette femme dans quelque petite pièce retirée et l'interroger sur la famille, mais elle n'osa le faire. Elle ne pouvait se résoudre à dire à Mrs. Button qu'elle était sans renseignement aucun sur la parenté de son mari. Quand elle l'eut conduite à travers l'étage supérieur de la maison, Mrs. Button offrit de lui faire voir la cuisine et les chambres des domestiques, mais elle refusa pour le moment. C'était assez pour la journée. Elle renvoyait donc Mrs. Button pour se retirer dans la bibliothèque. Que deux fois elle avait entendu dire que les livres offrent aux cœurs affligés les plus sûres consolations. Elle s'adonnerait donc à la lecture, non pas seulement pour ce jour-là, mais pendant les mois et les années à venir. Ce projet néanmoins, c'était à peu près évanoui même avant qu'elle eût quitté la pièce sombre, humide et froide, contenant les quelques volumes moisis et poudreux que l'un des anciens lords Ongar y avait amassés. La bibliothèque ne lui offrit aucun soulagement. Elle alla en demander aux vertes pelouses et aux bosquets. Pendant longtemps encore, elle n'aurait de ressources contre l'ennui que celles qu'elle pourrait trouver au dehors de la maison. Dans sa promenade errante, elle passa derrière les écuries attachées à la maison et arriva à une des portes de la ferme au-delà de laquelle elle pouvait apercevoir une partie du bétail et de la basse-cour. Elle se contenta de regarder par-dessus la barrière en se disant que ses granges et ses hangars, ses meules de blé, ses pourceaux blancs et roses et ses veaux nonchalamment assoupis étaient sa propriété. Tout en faisant ses réflexions, ses regards tombèrent sur un vieux manœuvre qui était assis tout près sur un tronc d'arbre à l'ombre d'une barrière de planches et prenant son frugal dîner. Une petite fille d'environ 6 ans, qui lui avait apporté ses livres dans un mouchoir de poche, était assise par terre à ses côtés. Tous deux l'avaient vue avant qu'elle les eût remarqués et dirigeaient sur elle leur regard fixe et étonné. Se trouvant du même côté de la barrière, elle pouvait aisément les aborder et leur parler. Il n'y avait probablement personne d'assez rapproché pour écouter. Une occasion s'offrait à elle de se faire un ami de ce vieillard. Il s'appelait, dit-il, Enor Gabi, et l'enfant était sa petite fille. Celle-ci s'appelait Patty. Patty se levant, s'approcha de Milady, qui la caressa et lui donna 6 pence. Ni l'un ni l'autre ne savait qui était la jeune dame et ne paraissait avoir entendu parler d'elle. Enor Gabi travaillait pour Mr. Giles, l'intendant, c'est-à-dire pour Milor Ongar. Mais étant vieux et perclus de rhumatisme, il ne gagnait que 8 shillings par semaine. Sa fille, la mère de Patty, travaillait au champ et gagnait 6 shillings par semaine. Le sort de toute la famille paraissait assez triste et misérable. Parfois, disait-il, il ne pouvait qu'avec peine se traîner dehors quand son rhumatisme le prenait. Alors Lady Ongar se dit qu'elle allait faire un heureux. Et elle annonça au vieillard que ses gages seraient portés à 10 shillings par semaine. Qu'il les gagnât ou non, et quoi que peut dire M. Giles, il aurait ses 10 shillings. Enor Gabi s'inclina, se gratta la tête, ouvrit de grands yeux, et exprima sa reconnaissance pour la pièce de 6 pence donnée à sa fille, mais quant aux 10 shillings, il n'en crut pas un mot. Le fait est qu'il ne s'expliquait pas du tout ce qu'elle voulait lui dire. Il lui savait gré néanmoins de sa bienveillance et surtout des 6 pence. Il eut pourtant ses 10 shillings par semaine, mais Lady Ongar n'éprouva pas la moitié du plaisir qu'elle s'était promis de cette affaire. Dans l'après-midi, elle fit dire à M. Giles, l'intendant, ce qu'elle avait décidé. M. Giles était loin d'approuver et il s'exprima là-dessus en termes peu équivoques, bien qu'entremêlés plusieurs fois du mot « Milady ». Le vieux Gabi, dit-il, était un homme qui rôdait autour de la maison qui, depuis des années, recevait 8 shillings par semaine quand il n'en gagnait pas la moitié. « Je veux qu'il ait 10 shillings et que ce soit fini, » reprit Lady Ongar. M. Giles répondit que si telle était la volonté de Milady, Enor aurait ses 10 shillings. Mais, ajouta-t-il, les affaires ne pourraient pas se traiter de cette façon-là. Tous les gens employés dans la maison réclameraient une augmentation et ceux qui gagnaient leur salaire regarderaient comme une injustice qu'on les traitât moins bien que le vieux Enor. Celui-ci, au dire de M. Giles, n'était pas beaucoup près l'homme le plus digne d'intérêt dans la paroisse. Et quant à sa fille, M. Giles aimait mieux ne pas parler de sa fille à Milady. Avant qu'il fût parti, Lady Ungar était déjà convaincue qu'elle s'était trompée. Ainsi, la charité même ne procure aucun plaisir, si on fait la charité pour apaiser le remords. Pendant une quinzaine de jours, elle se dit que peu à peu elle arriverait à goûter les joies de la possession en parcourant son domaine. Mais quoi qu'elle fît, elle ne parvenait jamais à goûter ce sentiment de bonheur. Elle commençait à connaître par cœur la disposition des lieux. Il ne lui était plus possible de se perdre au milieu des bosquets ou d'éprouver quelque nouvelle surprise. De M. Giles et de ses affaires, elle ne savait que peu de choses. Mais elle ne désirait pas en savoir davantage. La vue des meules de foin avait cessé de la charmer, et les grands chevaux de trait qui lui avaient inspiré d'abord un si vif intérêt lui étaient devenus indifférents. Elle remarqua que depuis son arrivée, un nom nouveau, son propre nom, avait été tracé avec une couleur nouvelle sur chacun des chars de la ferme, et les lettres en étaient aussi grosses qu'éclatantes. Elle aurait voulu qu'on n'en fît rien, ou tout au moins que les lettres fussent plus petites. Ensuite, elle se demandait s'il ne vaudrait pas mieux louer la ferme à un fermier. Non pas qu'elle dût en retirer plus d'argent, mais pour s'éviter l'embarras de l'administrer. Le désenchantement avait suivi de près son entrée en possession. Le premier dimanche après son arrivée à Ungar Park, elle se rendit à l'église de la paroisse. Elle avait pris la ferme résolution de le faire et elle sut la tenir. Pourtant, quand vint le moment de partir, elle sentit que le courage allait presque lui manquer. L'église n'était qu'à quelques mètres de sa demeure. Elle s'y rendit à pied et sans suite. Elle avait cependant fait dire au marguillier qu'elle y serait. Et le vieillard l'attendait pour la conduire au banc de la famille. Elle portait un voile épais et avait revêtu, cela va sans dire, un costume complet de deuil. En s'avançant au milieu de l'église, elle pensa à son costume et se disait que chacun des assistants avait dû entendre parler de ce qui s'était passé entre elle et son mari. Elle faisait semblant de pleurer l'homme à qui elle s'était vendue, l'homme qui, pour son bonheur à elle, était mort si promptement en lui laissant le prix de son sacrifice. Sans doute, tous les paroissiens savaient à quoi s'en tenir, et qui plus est, tous croyaient savoir qu'elle avait été parjure à ses serments et n'avait pas gagné ce qu'elle possédait alors. Elle se disait tout cela, mais néanmoins, elle soutint cette rude épreuve et sortit de l'église en traversant les rangs de la foule et portant la tête haute. 3 jours après, elle écrivit au ministre de la paroisse pour le prier de lui rendre visite. Elle était venue, disait-elle, pour demeurer dans la paroisse. Et elle espérait pouvoir, avec son aide, faire quelque bien à la population. Elle ne saurait trop comment s'y prendre, si elle n'était guidée par ses conseils. Il se pouvait que les écoles fussent sur le meilleur pied, mais en tout cas, s'il y avait quelque chose à faire, elle le priait de le lui dire. Le lendemain, dans la matinée, le ministre passa chez elle, la remercia de sa générosité, écouta l'exposé de ses projets et accepta ses aumônes. Mais bien qu'il fût marié, il ne lui dit pas un mot de sa femme, et la semaine suivante s'écoula sans que celle-ci vînt rendre visite à Lady Ungar. Elle était donc condamnée à se voir abandonnée de tous, parce qu'on l'avait calomniée. Elle avait dans ses mains le prix de son sacrifice, mais elle se sentait tentée de faire comme Judas, de sortir de sa demeure et d'aller chercher la mort.